Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et tel que annoncé depuis quelques semaines, ce soir on vous présente la première de deux émissions rétrospectives 2024. On vous offre un survol de ce qui est paru durant l'année. Et évidemment, vous devinez qu'en 4 heures, on peut pas tout couvrir et il va y avoir des absents, mais c'est pas parce qu'on les a oubliés, c'est parce que tout simplement on n'a pas de place pour tout mettre. Et justement, on peut dire que 2024 a été une année somme toute assez fertile. Je dirais pas que ça a été la grande abondance, mais il y a quand même eu une bonne récolte cette année. Encore une fois, je pense que tu seras de mon avis, Marc. Oui, l'année a été pas mal intéressante au niveau des nouveautés et découvertes qu'on a pu faire. Il y a eu également des retours sur disques de formations dont on n'avait pas entendu parler depuis plusieurs années. Et c'est toujours un plaisir pour nous de partager avec vous ces découvertes musicales. Alors, pour débuter cette rétrospective de l'année, Michel? Ce soir, on ouvre le bal avec The Samurai of Prague. Et c'est The Samurai of Prague featuring Marco Criego, qui, au début de l'année, a lancé l'album A Quiet Town. C'était la seconde collaboration du chanteur et claviériste italien avec The Samurai of Prague. Mais je veux dire pour un album entier, entendons-nous. En 2022, le groupe avait réalisé Anthem of the Phoenix Star. Comme c'est le cas pour toutes les productions de The Samurai of Prague, de nombreux invités ont collaboré à A Quiet Town, dont le chanteur Michael True de Moon Letters. Et puis, par la suite, on va avoir The Chronicles of Father Robin, un super groupe norvégien constitué de membres de Warbler, de Tursmark, de Giorgio. Et c'était la conclusion de la trilogie pour ce groupe. Le titre d'album, c'est un titre à rallonge, The Songs and Tales of Area Book 3, Magical Chronicle Ascension. Et de cet album, on va avoir la pièce Magical Chronicle. Et puis Marc, pour la suite, on va avoir une formation du Royaume-Uni. Oui, en effet, il s'agit de Drifting Sun. C'est un groupe qui a débuté en 1994. Ils ont fait paraître 2 albums dans les années 90. Il y a eu une longue période de pause et ont été de retour sur disque à partir de 2015. Ils ont fait paraître cette année leur 8e album en carrière, qui a pour titre Veil. Et c'est certainement leur meilleur en carrière jusqu'à maintenant. Cette formation compte dans ses rangs depuis l'album précédent, John Cosmidis, qui a pour surnom Jargon, qui fait une carrière solo sous son nom et également chanteur pour la formation Verbal Delirium. Alors donc, de Drifting Sun, on aura la pièce Through the Veil, et ce sera suivi de la formation italienne Ellesmere, qui est le projet de Roberto Vitelli. On aura pour vous un extrait de ce 4e album qui a pour titre Stranger Skies. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce bloc musical avec la formation internationale de Samurai of Prague. Hello, Marco Grieco here, of the Samurai of Prague. And you're presently listening Terra Incognita, directly from Quebec City. The doctor always has a bright smile. He flaunts a contagious serenity. The doctor's office is very well equipped. There's a picture on the wall that reads, "Is it a star of the year?" The doctor wants his patients to strip down. He observes their naked bodies very carefully. When he touches you everywhere, it's just to understand your illness. It's only scientific interest. She seemed to me so desperate and helpless. I wanted to help her in any way. So she begged me to prescribe hallucinogens. But of course, I refused. And that's when she tried to seduce me to come. corrupt me. She took my hand and put it on her breast. I was shocked. Self-control, even when he is in awkward situations. That was seen with his pants down by his assistant who came in for the screams. The doctor claimed he was the victim of sexual abuse by the woman who tried to bribe him. We'll be right back. guilty. You should have helped her. Chronicle showing the birth of life. At the court, the Empress of the Sun giving to each one power to evolve and collude with the meanings of our lives, meaning of our life and the brightness of our leaving. Time. coast, may the fields and forests of the earth. The Lord so sweet, the prince of nature's birth. Just a stab in a calling heart, and De retour à Terra Incognita et on poursuit notre rétrospective de 2024 et on amorce cette seconde demi-heure avec ce que je pourrais dire qualifié de doublé norvégien. On va avoir dans un premier temps Airbag et un extrait de son sixième album studio, The Century of the Self, et puis toujours de Norvège, Laughing Stock, un groupe dont le nom a été inspiré par un album de la formation britannique Talk Talk, ce qui donne certains indices sur les atmosphères créées par ce groupe, mais il ne faut pas se fier seulement à cela. Vous allez pouvoir le constater avec l'extrait de l'album qui a pour titre Shelter. En fait, il s'agit de la pièce titre, et ça tombe bien parce que c'est une de mes préférées de cet album. Et puis Marc, par la suite, on a un musicien polonais établi à Londres depuis plusieurs années. Oui, il s'agit de Marcin Pajak qui faisait paraître cette année son cinquième album en carrière, 10 ans après son tout premier, Who I Am, paru en 2014. Celui-ci a pour titre In the Space, et on aura pour vous la pièce Gravity, et ce sera suivi de la formation italienne Semiramis qui faisait un grand retour sur disque cette année, puisqu'ils s'étaient séparés en 1974. La formation a été fondée à Rome en 1970 et avait fait paraître un seul album en carrière en 1973. Alors, de cet album de retour, qui a pour titre La fine non esiste, on aura pour vous la pièce Non chiedere a un Dio. Et comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce second bloc musical du spécial Rétrospective 2024 avec la formation norvégienne Airbag.

When I'm nebbia nella testa. Il pazzo è ancora morto oppure no? Seduto in una strada un po' affollata, cercando di capire chi sarò. Oh no! Adesso un nuovo disco ascolterò. Non so se l'aria nuova sia pulita, ma so che quella ormai respirerò. Non vedo più i colori del mio quadro, del cuore. Morire per guarire, forse questo da capire. Ora lo so. L'émission rétrospective 2024 de Terrain Incognita se poursuit avec Marc Chonnet et Michel Bilodeau. Pour amorcer cette troisième demi-heure, on va voir un extrait d'un album de As Froberg and Musical Companion. L'album a pour titre Eternal Snapshots et c'est le sixième essai studio pour ce groupe mis sur pied par As Froberg, le chanteur de The Flower Kings. De cet album, on vous propose la pièce No Messiah, et puis d'Allemagne, Sand Project Sonate, c'est le projet du multi-instrumentiste Chris Angles, un musicien pour qui le qualificatif de prolifique s'applique sans l'ombre d'un doute. Ce soir, on vous présente un extrait de l'album Arcane Sonic, et c'est le premier d'une série de 3 albums qui a été lancé cette année. Et pour faire suite à Sun Project, Marc, on va avoir un groupe norvégien qu'on apprécie beaucoup, toi et moi. Oui, c'est la formation Troika qui ont fait paraître cette année leur 3e album qui a pour titre Strobemork. Ils avaient fait paraître leur premier en 2017 et leur second en 2019. Moi, je dois dire que c'est un de mes coups de cœur de l'année. On aura pour vous ce soir la pièce titre et ce sera suivi d'une autre formation norvégienne qui a pour nom Tusmork. Ils faisaient paraître cette année leur 11e album en carrière, Dawn of Oberon. Et on aura pour vous ce soir la pièce Born to be Mild. Également, ce sera suivi d'une formation légendaire des Pays-Bas, Focus, qui a débuté en 1960. Ils s'étaient séparés en 1978 et ont repris du service sur disque à partir de 2002. Ils ont fait paraître cette année Focus 12. Et on aura pour vous la pièce Focus 13. Mais comme vous le disait Michel, on débute d'abord ce 3e bloc musical avec Asse Froberg et Musical Companion. We'll be right back. L'émission spéciale rétrospective 2024 de Terra Incognita se poursuit et on va avoir en entrée deux groupes italiens. Évidemment, vous vous doutez bien que les disques que l'on vous présente sont des disques que Marc et moi avons aimés, adorés ou beaucoup appréciés. Et c'est le cas des deux prochains. On va voir dans un premier temps Entity, une formation italienne qui ne nous avait pas donné signe de vie depuis 11 ans et qui, cette année, nous a présenté l'album Il Naufragio della Speranza. Le groupe avait présenté un premier album en 2013, Il Fasso Centro. Et puis, aussi, encore d'Italie, Lior, mais les pionniers et les piliers du rock progressif italien des années 70 avec PFM et Banco. Et cette année, ils ont présenté une belle surprise, Il Leone e la Bandiera. Le disque est peut-être un peu court, un peu dans la tradition des années 70, mais l'album s'écoute avec beaucoup de plaisir. Et puis Marc, par la suite, on demeure en Italie. Oui, et cette fois-ci avec une formation beaucoup plus moderne. Il s'agit de Baroque Project, qui ont débuté en 2004 et qui faisaient paraître cette année Time Voyager, leur excellent nouvel album, 7e en carrière. On a eu d'ailleurs cet automne une émission spéciale avec cette formation et la participation du claviériste Luca Zabini, et ce sera pour beaucoup très certainement un des albums de l'année. Alors, de cet album, on aura pour vous la pièce Voyager's Homecoming. Et comme vous disait Michel, on débute ce bloc musical avec un autre coup de cœur italien de l'année, le retour sur disque de la formation Entity. Thank you. tra un incubo drogato e sole d'aprile. Son volti chiusi dentro storie poco riuscite. Cerchi aperti per richiudersi altrove. Istanti pronti a uccidere i momenti che ha avuto. Vedi, ora c'è un vento che non sento. Una strana ombra tu non c'entri. Facce, amanti sazie. Basti un'urgenza carica di sguardi. Lasciami Hello, Luca Zabini here of Baroque Project, and you're presently listening to Terra Incognita directly from Quebec City. To think it is. Please look no further, nothing's beyond your reach. Now we've found our cover, our final peace. It's not forever, your desperate plea. You never seem to get no release. Why does the summer surrender to the breeze? We always arrive just in time, it seems. We ask for borders, which we know we don't need. When there's so many days that we cannot see, I stumble blindly, what madness this is, when everybody can see what it means. Yeah. Nous voici déjà arrivés presque à la fin de la première partie de cette émission spéciale rétrospective consacrée à quelques-uns des meilleurs albums de rock progressif parus en 2024. La seconde partie sera présentée le 4 janvier prochain, alors c'est un rendez-vous. On vous laisse ce soir sur une pièce de la formation allemande Argos qui faisait paraître cette année Halfway Between Heaven and Mirth, leur 7e album en carrière. Restez les nôtres pour l'émission L'Autoroute qui suit dans quelques instants. C'était Michel Bilodeau et Marc Chaunet avec vous. Merci d'être au rendez-vous et on vous souhaite une bonne fin de soirée sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec. Will call you up. What you gonna say? What you gonna say then?